إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc notre cours sur l'explication de Al-Usul al-Thalatha, le sharh de Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, qui s'intitule Ittihaf al-Uqul, bisharh al-Thalathati al-Usul, et on est arrivé toujours dans le deuxième fondement, parmi les trois fondements, écrit par le Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et maintenant c'est à propos de l'Islam, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Islam? Et le cheikh il explique maintenant, il dit donc après avoir mentionné les trois degrés de la religion qui sont expliqués dans le hadith de Jibril, il dit wa qala al musannif rahimahullah wa kullu martabatin laha arkan fa arkanu al islam khamsatun shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami al salah wa ita' al zakah wa sawmi ramadan wa hajj baytillahi al haram. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit que chacun des degrés de la religion a des piliers, hein? Donc l'islam a des piliers, l'iman a des piliers et l'ihsan a des piliers, hein? Chacun de ces trois degrés ont des piliers, et il dit donc les piliers de l'islam sont de cinq. Le premier des piliers, c'est le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc ça c'est le premier pilier qu'on appelle al-shahadatan, les deux témoignages. Et le deuxième, c'est d'établir la salat, les cinq prières obligatoires par jour. Le troisième pilier, c'est ita zakat, c'est-à-dire de donner la zakat obligatoire. Et le quatrième, c'est wasawm ramadan, le fait de jeûner le mois de ramadan, justement le mois de ramadan qui s'en vient très bientôt, wa hajj baytillah al-haram, et le fait d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la Mecque qui est la Kaaba. Et le cheikh explique comme preuve du premier de ces cinq piliers le verset 18 par rapport au témoignage de la foi, le verset 18 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ce qui signifie certes Allah témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, ainsi que ses anges en témoignent, ainsi que en témoignent ses anges et les gens doués de science établis en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant, le Sage. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah témoigne, de même que ses anges ainsi que les gens doués de science, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, établi en toute vérité et en toute établi en toute justice. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et il dit la signification de ce témoignage de la ilaha illallah, c'est la signification suivante, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah lui seul. Là, en arabe on dit la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'boud, c'est la même chose que la ilah, parce que un ilah, c'est quelque chose qui est adoré, et on appelle en arabe al ilah al ma'boud, c'est-à-dire toute chose qui est adorée par quelqu'un, toute chose ou toute personne qui est adorée par quelqu'un, on peut l'appeler ma'boud. Ma'boud, c'est la forme de l'objet, de celui qui reçoit, ou de celui qui est l'objet de l'adoration de quelqu'un. D'accord? Donc on dit quelque chose qui est ilah, c'est-à-dire quelque chose qui est adoré. Et quand on dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça veut dire parmi toutes les choses que les hommes adorent, il n'y en a aucune d'entre elles qui mérite réellement l'adoration, qui mérite réellement d'être adorée, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah qui mérite l'adoration. Donc toutes les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, parmi les choses qui existent et qui sont adorées c'est-à-dire par les hommes, toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, eh bien c'est une chose qui est adorée dans le mensonge et dans le faux. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est adoré en vérité et qui mérite d'être adoré. Ensuite, donc le cheikh explique que cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne que ce témoignage de la ilaha illallah, il est divisé en deux parties. La première partie, c'est une négation, et la deuxième, c'est une affirmation. Et la négation, c'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ça c'est nier. C'est-à-dire, il y en a rien de ces choses-là qui sont vraies et qui méritent d'être adorées. Toutes elles sont des divinités fausses qui ne méritent pas d'être adorées. Et on dit ensuite illallah, ça c'est l'affirmation. C'est-à-dire l'adoration, c'est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle doit être vouée. Et toute adoration qui serait vouée à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration qui est fausse. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas avoir de partenaire dans son adoration, de la même manière qu'il n'a pas de partenaire dans sa propriété, dans ce qu'il a créé, dans son royaume. Donc le cheikh, il explique ensuite, le cheikh Ubaid al-Jabri, il mentionne maintenant l'explication de qu'est-ce qu'on vient de mentionner. Il dit al-arkanu jam'u ruknun wa ar-ruknu huwa al-janib al-aqwa fi al-bina. فأركان الإسلام قواعده التي ينبني عليها قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Donc le cheikh, il dit que les piliers, arkan en arabe, ça c'est le pluriel. Le mot arkan, c'est le pluriel. Le singulier de arkan, c'est ruknun. Ruknun, ar-ruknu. Et le pluriel, arkan. Al-arkan. Donc, ar-rukn, c'est le côté le plus solide d'une construction. Donc les piliers, les choses qui retiennent la construction. Et donc les piliers de l'islam, c'est les règles, les principes, les fondements sur lesquels l'islam a été bâti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith authentique que l'islam est bâti sur cinq piliers. le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, ça c'est le premier, et d'établir la salat, et de donner la zakat, et de faire le hajj à la Mecque, hein, la maison d'Allah, et de faire le jeûne du Ramadan. Le jeûne du Ramadan. Donc ça, c'est les cinq piliers de l'islam. Le cheikh, il dit ensuite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que l'islam était donc bâti sur ces règles, sur ces cinq piliers. Et on les a appelés en arabe « arkan ». Hein? On les a appelés en arabe « arkan ». Et il dit, c'est connu que une maison ne peut être bâtie jusqu'à ce que ses piliers soient complets. Hein? Si quelqu'un veut construire une maison sans piliers, eh bien, cette maison-là ne va pas tenir. Cette maison-là ne va pas pouvoir tenir. Et le cheikh explique maintenant chacun de ces piliers. الركن الأول الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والشهادة في اللغة تطلق على شيئين الإعلام والحضور فمن الأول قول القائل أشهد أن فلانا فعل كذا فما معنى قوله أشهد أن فلانا كذا أعلم وأخبر والثاني قولهم كان يشهد الصبح جماعة معنى يشهد الصبح يعني يحضر وفي التراجم يقولون شهد بدرا أي حضرها. Donc il dit le cheikh que le premier pilier c'est le témoignage, les deux témoignages de la foi. Le premier témoignage c'est le témoignage de la ilaha illallah et le deuxième que Muhammad Rasulullah, Muhammad est le messager d'Allah. Ces deux témoignages là sont le premier pilier, le pilier des deux témoignages. On dit le témoignage, on peut aussi dire les deux témoignages, parce que c'est deux témoignages dans cette déclaration de foi. Et le terme ou le mot shahada dans la langue arabe, ça peut vouloir dire deux choses. La première chose, c'est la déclaration, le fait de déclarer, hein, et d'annoncer. Hein, de témoigner si on veut. Donc la première signification c'est de déclarer. Donc tu dis par exemple, je déclare qu'un tel faisait telle chose. Hein, par exemple, c'est dans le sens de je témoigne que quelqu'un faisait telle chose. Il dit le cheikh, c'est dans le sens de faire savoir et dans le sens d'informer. Hein, c'est ça la première signification. La deuxième signification, quand tu dis yani shahida ou yashhadu, il dit ça veut dire d'être présent. Ça veut dire d'être présent. Comme par exemple kana yashhadu subha jama'atan. Quand tu dis ça, yashhad yani si tu veux dire de quelqu'un parce qu'il priait il venait prier en groupe la prière de l'aube, tu dis kana يشهد الصبح, c'est-à-dire il est présent lors de la prière en groupe, hein, pour la prière de l'aube, la prière de subh. Donc يشهد الصبح يعني يحضر, dans le sens pour dire qu'il était présent. La même chose que dans les livres de biographie, quand on explique la biographie des sahaba par exemple, on explique qui ils sont, on va dire à propos d'un sahabi en particulier, s'il était présent lors de la bataille de Badr, on va dire en arabe shahida badran. Shahida badran. C'est-à-dire, il a été présent lors de Badr, lors de la bataille de Badr. Donc, shahida, c'est dans le sens d'être présent aussi. Donc, ça, c'est les deux significations que peuvent avoir le terme shahida. Et ensuite, le shaykh, il dit, dans la définition religieuse du terme shahida, il dit فالاستلاح إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة مع ما تقتضيه الشهادتان والبداءة بالشهادتين لأنهما أصل الأصول فأصل الأصول الشهادة لله بالوحدانية ويكمل ذلك بالنسبة للمكلف الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشهادة لله بالوحدانية فيها ركن الإخلاص، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ركن المتابعة له، وهذان ركنان وهذان ركن العبادة. وإن شئت فقل شروط قبول العمل. Donc le cheikh dit dans la définition religieuse, on dit que quand tu dis يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc ici le terme شهد يشهد, c'est dans le sens du fait de témoigner et de déclarer que on reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On reconnaît pour Allah subhanahu wa ta'ala l'unicité d'Allah, et on reconnaît pour le messager, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est messager, qu'il a reçu un message divin. Donc ça, c'est ce qui est impliqué par les deux témoignages. Et on commence, le fait de commencer dans la religion, on commence en mentionnant ce pilier-là en premier. Pourquoi? Parce que c'est le fondement des autres fondements. C'est le fondement des autres fondements. La base de la religion, le fondement de tous les fondements de la religion, c'est le témoignage que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et on vient donc compléter ce témoignage à propos de l'unicité d'Allah en mentionnant également le fait que le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Et donc ça, c'est le deuxième pilier. Le premier pilier, c'est le pilier de l'unicité d'Allah, qui est le pilier de al-ikhlas, c'est-à-dire le fait de rendre notre adoration pure pour Allah seul. Et le deuxième témoignage, celui du fait que le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Ça, c'est le pilier de al-mutaba'a, c'est-à-dire que yani, c'est le messager que nous devons suivre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons suivre son exemple pour adorer Allah selon ce qu'il nous a enseigné. Et donc ces deux piliers-là sont les deux piliers de l'adoration. Et on peut dire également les deux conditions pour que nos œuvres soient acceptées. Que les actes soient faits avec ikhlas et que les actes soient faits en accord avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit ensuite, shahadatu an la ilaha illallah, nabda'u awwalan bima'naha, thumma nattabi'u dhalika aw nattabi'u bidhalika al-kalamu 'ala ad-dalil. Donc il dit on va parler du témoignage donc de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et on va commencer donc en premier par sa signification, puis on va suivre cela par la suite avec la parole au sujet de la preuve de ce témoignage là. Et il dit la ilaha illallah ma'naha ikhtisaran la ma'buda bihaqqin illallah. Donc il dit, si on doit résumer la signification de la ilaha illallah, on dit que ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et le cheikh dit wa la dillatu ala hadha al-ma'na qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma ma damuhu wa maluhu al-hadith. وهذا هو المعنى الصحيح لشهادة أن لا إله إلا الله وهو الذي منع الكفار من قولها أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فهو تفسير باطل. Donc le cheikh dit parmi les preuves de cette signification du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, il dit dans ce hadith que celui qui dit la ilaha illallah et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, Allah rend sacré ses biens, son sang et ses biens. C'est-à-dire que celui qui dit la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien son sang et ses biens deviennent sacrés. Et le cheikh, il dit ensuite donc que ça, c'est la preuve que cette interprétation et cette explication du témoignage de la ilaha illallah, hein, quand on dit que ça veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien ça, c'est la preuve que cette interprétation et cette explication là, c'est la vraie, c'est la bonne explication du témoignage de la ilaha illallah. Parce que dans le hadith, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué lui-même, et il dit wa huwa alladhi mana' al-kuffar, donc c'est ça qui a empêché les kuffars de le dire et de le prononcer, hein, pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas cesser, hein, le shirk, ils ne voulaient pas délaisser l'adoration de leurs idoles, hein. Donc si le cheikh dit donc ceux qui disent que la signification de la ilaha illallah, c'est de dire que il n'y a pas de créateur excepté Allah, ou il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance excepté Allah, il dit ça, c'est une interprétation qui est batil, qui est fausse. Cette interprétation là elle est incomplète, elle n'est pas correcte, parce que quand tu dis qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, ça c'est quelque chose qui est vrai. Quand tu dis qu'il n'y a personne qui donne de subsistance excepté Allah, ça c'est quelque chose qui est vrai. Mais est-ce que ça fait de quelqu'un un musulman? Non. Puisque les mushrikoun, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Quraysh qui adoraient les idoles et qui priaient aux différentes idoles, ils reconnaissaient que Allah est le seul créateur. Et ils reconnaissaient que Allah lui seul donne la subsistance. Et ça n'a pas fait d'eux des musulmans. D'accord? Donc, il faut comprendre que la vraie signification de la ilaha illallah ici, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, que non seulement tu reconnais que Allah est le créateur et que c'est lui seul qui donne la subsistance et qui crée, mais en même temps, tu fais en sorte que ton adoration soit exclusive à Allah et que rien ne soit adoré avec ou en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu n'as pas réellement compris la signification de la ilaha illallah. Maintenant, le cheikh, il explique pourquoi c'est le fait de dire que Allah est le seul créateur, ou il n'y a pas de il n'y a personne qui donne la subsistance excepté Allah, ou il n'y a pas de créateur excepté Allah, que ça c'est pas une compréhension correcte du témoignage de la ilaha illallah. Voici pourquoi. Premièrement, le cheikh dit awalan la yatadammanu illa tawhid ar-rububiyyah wa dhalikum ma kana al-mushrikun وذلكم ما كان المشركون مقرين به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. Donc il dit premièrement, cette définition là ou cette explication là, elle ne comprend que l'unicité d'Allah dans la rububiyya, c'est-à-dire elle ne comprend que l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la souveraineté. Et c'est une chose que les mushrikoun de l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient, hein, et ils acceptaient ça déjà. C'est-à-dire, ils croyaient en la rububiyya à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc, si un mushrik, un idolâtre, dit « Je crois que Allah est le seul créateur » ou « Je crois que Allah est le seul qui donne la subsistance et que c'est lui le seul maître de l'univers » et qu'il n'y a pas d'autre maître que lui, ça, ce n'est pas suffisant pour faire de lui un musulman, hein, tant qu'il n'a pas délaissé ce qu'il adore en dehors d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, لو كان المراد هذا ممتنع المشركون عن قولها ولكنهم عرفوا المراد وهو خلعهم جميع الأوثان ولهذا قالوا فيما قص الله عنهم وجعل الآلهة إلها واحدة. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, si la signification de la ilaha illallah c'était de dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, il n'y a pas de personne qui donne la subsistance excepté Allah, si c'était ça la signification de la ilaha illallah, alors dans ce cas-là, les mushrikoun, ils n'auraient eu aucune objection de prononcer cette parole et de dire la ilaha illallah. Hein? Pourquoi il se serait abstenu de dire la ilaha illallah dans ce cas-là, si ça voulait seulement dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, ou qu'il n'y a pas de personne qui donne la subsistance excepté Allah. Il le disait déjà ça. Hein? Donc c'est la preuve que ce n'est pas ça la signification de la ilaha illallah, puisqu'il le disait déjà. Hein? Ils ont su que la vraie signification de la ilaha illallah, c'était plutôt qu'ils devaient abandonner toutes leurs idoles. Ils devaient délaisser toutes les choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé de dire la ilaha illallah, parce qu'ils ne voulaient pas se contredire, et ils ne voulaient pas cesser d'adorer leurs idoles. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à leur sujet, dans le verset 5, dans Surat Sa'd, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, dites que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ils disent, aja'ala al-alihata ilahan wahida, nahata la shay'un ujab. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait de tous les objets d'adoration une seule objet d'adoration? On doit adorer seulement Allah et délaisser toutes les autres? Ça c'est une chose étonnante. C'est une chose étrange. Ils ne voulaient pas délaisser ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh il dit, وَيَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ ثَالِثًا أَنَّ أَبَا جَهْلٍ وَصَنَادِيدَ الْكُفْرِ مَاتُوا عَلَى التَّوْحِيدِ وَأَنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ ظُلْمًا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Donc il dit, parmi les preuves que cette interprétation de la ilaha illallah, en disant que ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, ou il n'y a pas de pourvoyeur de subsistance excepté Allah, si on disait que c'est ça la signification de la ilaha illallah, alors ça voudrait dire que Abu Jahl, ainsi que les autres parmi les chefs des mushrikines et des kuffars, ça voudrait dire qu'ils seraient morts sur le tawhid dans ce cas-là, puisqu'ils reconnaissaient ça déjà. Et donc ça voudrait dire qu'ils ont été combattus et tués injustement. Subhanaka hada buhtanun azim. Et ça c'est une grande calomnie, un grand mensonge. Le cheikh dit ensuite, wa hada ma'naahu al-mukhtasar la ma'buda bihaqqin ila Allah wa qad dhakarna al-adillah 'alayhi wal-adillah 'ala butlan ma yukhalifuhu. Donc le cheikh dit, ça c'est la signification résumée de la ilaha illallah, c'est la ma'buda bihaqqin ila Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et nous avons mentionné les preuves à ce sujet-là. Et il dit que les preuves de la fausseté, on a également mentionné les preuves de la fausseté de ce qui contredit cette parole. C'est-à-dire les preuves de la fausseté de prétendre le contraire, que ça voulait dire autre chose, ou qu'il y aurait quelqu'un d'autre, autre que Allah, qui pourrait aussi mériter l'adoration. On a montré les preuves que ça c'est faux. Après le cheikh dit, wa amma ma'naha al-mabsut. Donc si on veut élaborer un peu plus dans l'explication de la ilaha illallah et rentrer un peu plus en profondeur dans la définition de la ilaha illallah, il dit, fa inna al-kalima tata'allafu min ruknayn wa huma an-nafy wa al-ithbat. La ilaha nafyan, nafyan jami'a ma yu'badu min dunillah. وهذا ما عقله المشركون وعرفوه وامتنعوا من قولها لأجله وإلى الله مثبتا العبادة لله وحده فكما أنه لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في عبادته فالرب جل وعلا يحتج على المشركين في إنكارهم الألوهية بإقرارهم بالربوبية الربوبية مقرون بها ويحتج عليهم فهل يطالبهم بالربوبية أم بالألوهية يطالبهم بالألوهية ويدعوهم بها ويأمرهم بها أما الربوبية فإنهم مقرون بها وهذا ما تعودناه من ربنا في القرآن الكريم يحاج المشركين على إنكارهم الألوهية ويقيم عليهم الألوهية بما يعرفونه من الربوبية أو منه بالربوبية لكن إذا عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة. Donc le cheikh il dit, la définition élaborée, quand on dit la ilaha illallah, on peut dire que cette parole de la ilaha illallah, elle est composée de deux piliers. hein, la négation et l'affirmation. La négation, c'est la ilah, hein, la ilah, ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Il n'y a rien qui mérite quoi que ce soit de l'adoration en dehors d'Allah. Donc on nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça, c'est ce que les mouchrikoun avaient compris. Hein, ils ont su, hein, que ça voulait dire ça. Et donc ils se sont ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Ils se sont abstenus de prononcer cette parole à cause de cette signification là qu'ils avaient compris. Et l'affirmation, c'est illallah, c'est-à-dire tu affirmes que l'adoration est uniquement à Allah seul, que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, comme tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala dans la création et dans son univers et dans ce qu'il a créé, il n'y a rien qui soit partagé avec un associé ou un partenaire quelconque. Tout ce qui existe, tout ce que Allah a créé, hein, appartient à Allah seul. Et il en est le seul maître, et il en est le seul propriétaire, et il en est le seul créateur. Étant donné que c'est lui le seul maître et le seul créateur, hein, de toute la création et de tout ce qui existe, eh bien c'est la même chose pour l'adoration. Il n'a pas de partenaire dans l'adoration non plus, il n'a pas d'associé dans l'adoration non plus. Hein? Et donc, Ar-Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise contre les mouchriquins, dans leur négation de l'unicité d'Allah dans l'adoration, il utilise contre eux leur affirmation de la seigneurie. Et que Allah est le seul maître et le seul créateur, il l'utilise contre eux pour établir contre eux la preuve dans l'unicité, dans son unicité dans l'adoration. Donc il leur dit, si vous croyez que Allah est le seul maître et le seul créateur, dans ce cas-là, vous devez, hein, cesser d'adorer autre que lui et rendre votre adoration pour lui exclusive, hein, et faire en sorte que personne d'autre que lui ne soit, hein, adoré et ne reçoive quoi que ce soit de votre adoration. Et donc il les appelle à accepter al-uluhiyya, à accepter son droit exclusif à l'adoration, et il les invite à cela et il leur ordonne cela, tandis que la rububiyya, ça il l'acceptait déjà et il reconnaissait déjà qu'Allah est le seul maître et le seul créateur. Et on a eu l'habitude d'entendre et de lire les versets dans le Coran qui parlent de ce sujet-là et qui le clarifient. Et donc, il dit, on voit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il argumente contre les mouchriquins dans leur négation de l'exclusivité du droit d'Allah à l'adoration, en établissant contre eux la preuve de la rububiyya. Par qu'est-ce qu'ils connaissent, hein? Ils connaissent la rububiyya. Donc Allah les réfute par la rububiyya, hein? Il utilise la rububiyya comme argument contre eux pour établir al-uluhiyya, c'est-à-dire le droit exclusif à l'adoration. Mais les cœurs, lorsqu'ils sont aveugles et aveuglés, hein, et que les passions prennent le dessus, eh bien, il n'y a plus rien à faire, malheureusement, Allah al-musta'an. Et le cheikh il dit ويقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. Ça c'est un dicton que les Arabes disent souvent. Yani les gens quand ils sont éprouvés, ils commencent à voir les choses bonnes même si elles ne sont pas bonnes. Allah al-musta'an. Il dit que la preuve également dans le verset qu'on a lu, le verset qui dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لنتأمل مضمون هذه الآية فيها ثلاثة شهداء على وحدانية الله سبحانه وتعالى وهم أولا الحق جل وعلا جل جلاله شهد نفسه شهد بنفسه على وحدانيته ولا أعلم منه ولا أصدق حديثا منه ولا أحسن قيلا والملائكة فهم أعلم المكلفين بالله عز وجل وهذا دليل على فضلهم ومكانتهم عند ربهم إذا استشهدهم على وحدانيته. والثالث أهل العلم وعلماء الشرع، وفي هذا تزكية وتعديل لعلماء الشرع، وأنهم أفضل البشر، فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله على وحدانيته وأولي العلم. Donc le cheikh il explique. Le cheikh il explique le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui est le verset dans Surat, c'est dans Surat Al-Imran, le verset 18, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah témoigne, ainsi que ses anges, et ainsi que les hommes de science, que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Établi en toute justice, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le Tout-Puissant, le Sage. Et si on médite sur ce que comprend ou ce que comprennent ces versets-là et ce qu'ils impliquent, eh bien, on peut voir qu'il y a trois témoins dans ce verset au sujet de l'unicité d'Allah. Il y a trois témoins. Le premier témoin, c'est Al-Haq, Allah, Jalla wa Ala. C'est Allah lui-même qui témoigne de son unicité. Et il n'y a personne qui connaît mieux Allah subhanahu wa ta'ala que Allah se connaît lui-même. Il n'y a personne de plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne de plus, il n'y a personne de meilleur en parole que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc son témoignage, c'est le plus grand et le meilleur des témoignages. Ensuite, le témoignage des anges. Le deuxième, c'est le témoignage des anges. Et ce sont les plus savants parmi les êtres que Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Et la preuve de leur, ça c'est une preuve de leur mérite, et de leur statut auprès de leur Seigneur, c'est qu'il les a pris, comme témoins de son unicité aussi. Donc ils ont un statut très élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Et le troisième témoin que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset, c'est les hommes de science, les ulama de la révélation, les ulama de la révélation divine. Et il y a dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala les prenne comme témoins une tazkiya pour eux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a recommandés en même temps en les prenant comme témoins. Il a mentionné leur statut élevé et leur degré en tant que savants de la religion. Et c'est la preuve que parmi les humains, ce sont les meilleurs, ce sont les plus élevés en degré et les plus importants en mérite. Et si ce n'était pas le cas, Allah ne les aurait pas pris comme témoins de son unicité. Donc parmi les hommes, parmi les humains, il n'y a personne qui soit plus élevé en degré que les hommes de science de la religion, ceux qui détiennent la religion. Bien entendu, après les prophètes. Et le cheikh il dit, وفي هذا رد على بعض المنتسبين إلى الدعوة الذين يقولون الداعية أفضل من العالم بحجة أن الداعية كالسحابة يتنقل من مكان إلى مكان وكل ينال من هذه السحابة وكل يستقي منها أما العالم مثل القليب لا يشرب منها إلا من وردها سبحان الله العظيم أنتم أعلموا أم الله من استشهد الله على وحدانيته العالم أم الداعية العالم. Donc le cheikh il dit ici, il y a dans ça une réfutation de certaines personnes qui prétendent à la da'wa et qui disent que la personne qui fait la da'wa est meilleure que les savants, en disant que le da'ya c'est comme un nuage, il amène l'eau d'un endroit à l'autre, tandis que le puits, le savant c'est comme le puits, il faut absolument aller jusqu'à lui pour trouver de l'eau. Donc ils utilisent ça comme une excuse ou comme un argument pour essayer de justifier yani que les du'at, les prêcheurs sont meilleurs que les ulama. Et le cheikh, il dit ça c'est faux. Il dit est-ce que vous savez mieux ou Allah? Hein? Pourquoi dans ce cas-là Allah a-t-il pris comme témoin les hommes de science? Hein? Est-ce qu'il a pris les hommes de science ou les du'at ou les da'ya? Le da'ya pour comme témoin. Et bien entendu, il a pris le savant. Donc il dit, et qui sont les héritiers? Man hum warathatul anbiya? Al-ulama am ad-du'at al-mutanaqqilun والذين منهم من لا يحسن فاتحة الكتاب ولا يعرف أركان الإسلام. Il dit, est-ce que ce sont les ulama qui sont les héritiers des prophètes, ceux qui sont des du'at et qui se promènent d'un endroit à l'autre, hein? Et probablement qu'il parle de ce qu'on appelle jama'at al-tablir, hein, ici, qui prétendent qu'ils sont des du'at, hein. Vous savez, le groupe de Jama'at al-Tablir, c'est des gens qui prétendent qu'eux, ils font la da'wa. Hein? Et même si certains d'entre eux, comme le cheikh, il dit, ils ne savent même pas lire la Fatiha comme il faut, et ils ne connaissent même pas les piliers de l'islam, et en particulier le premier des piliers, qui est le tawhid, ils ne le connaissent pas du tout, et puis ils veulent essayer de prétendre qu'ils sont meilleurs que les ulama. Ça, c'est inacceptable. Hein? Ça, c'est complètement faux. Et le cheikh il dit ici, ولكن القياس الفاسد وضرب الأمثال لكلام الله وكلام رسوله وهذا هو مسلك أهل البدع والأحواء فاحذروه. Donc le cheikh il dit, ça l'exemple que ces gens-là ils ramènent des analogies puis des comparaisons qui sont totalement fausses et qui sont en contradiction avec la parole d'Allah et de son messager, et ça c'est la voix des gens de bid'ah, des gens de la passion. Alors faites attention à ces gens-là, hein, qui essaient de dire le nuage il est mieux que le puits, hein, et que le puits il faut aller vers lui tandis que le nuage il va vers les gens. Et ça c'est des arguments vraiment faibles pour essayer de justifier leur idée que eux ils sont meilleurs que les ulama. Parce que, premièrement, hein, comment tu peux prêcher, comment tu peux faire la prêche et appeler les gens à l'islam et faire la da'wa si tu n'as pas d'ilm? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a besoin des ulama. On ne peut pas faire la da'wa si on n'a pas d'ilm. Et le cheikh il dit, ثم قال قائما بالقسط قائما على شؤون خلقه بالقسط يخفض ويرفع يعطي ويمنع يعز ويضل ويضل وله في كل ذلك حكمة. Donc il dit قائما بالقسط, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il établit toute chose en justice avec justice, et c'est-à-dire qu'il s'occupe des affaires de son serviteur en toute justice, et il élève et il rabaisse qui il veut, et il donne et il retient de qui il veut, et il élève et il donne la puissance et il humilie qui il veut, et il fait tout cela avec une justice parfaite. Et il dit ensuite la ilaha illahu al-aziz al-hakim ختمها سبحانه وتعالى بما بدأها به بدأها بوحدانيته وختمها بوحدانيته وفيها من باب الأسماء والصفات العزيز والحكيم فالعزيز يتضمن صفة العزة والحكيم يتضمن صفة الحكمة والحكيم معناه المحكم المتقن وهذا أحد معنييه والآخر الحاكم بين خلقه. Donc le cheikh il dit لا إله إلا هو, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le tout puissant, le sage. Allah subhanahu wa ta'ala a débuté donc ce verset par son unicité et il l'a terminé par son unicité également. Et il y a dans, également dans ce verset à la fin la question des noms et des attributs d'Allah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne parmi ses noms qu'il est le Tout-Puissant et le Sage. Et le Tout-Puissant comprend donc l'attribut de la puissance, et le Sage comprend l'attribut de la sagesse. Et donc, طيب نعم. Donc, comme on disait, Al-Izzah, hein, ça c'est l'attribut de, qui découle du nom Al-Aziz, c'est la puissance, et Al-Hikmah, c'est l'attribut qui découle du nom Al-Hakim, hein, qui est la sagesse. Et le cheikh explique que pour le terme ou le nom Al-Hakim, il peut y avoir deux significations à ce nom-là. Le premier, c'est Al-Muhkim Al-Mutqin. Hein, et ça, c'est dans le sens de la sagesse. Hein, en français, lorsqu'on dit la sagesse, c'est celui qui fait tout ce qu'il fait avec perfection et qui met chaque chose à l'endroit où elle va et qui met chaque chose à sa place, hein, la place qui lui revient. Ça, c'est Al-Hakim. Et aussi dans le sens de Al-Hakim, aussi dans le sens de Al-Hakim, c'est-à-dire le juge qui juge ses créatures et qui est parfait dans son jugement. Donc ça, c'est les deux significations de ce nom d'Allah qui est Al-Hakim. Al-Mutqin, Al-Mutqin Al-Muhkim, et aussi l'autre signification, c'est يعني الحاكم le juge. Donc il est maintenant 16h30. Je pense que on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui dans ce livre de Al-Usul al-Thalatha, puis on va prendre une petite pause de 5 à 10 minutes, puis on reprendra tout de suite après avec l'explication de Al-Ubudiyya inshallah. Donc on s'arrête. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.